le Ayn et le Lem, qui eux-mêmes représentent les lettres d'un mot. Et à partir de Fa'ala, on peut, Inch'Allah, déduire la transformation de chaque mot, min el Asma et el Af'al, parmi les noms et les verbes, car les lettres ne rentrent pas dans le sarf, car les lettres ne changent pas. Naam. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait... deux autres, il y avait le Khamis, le Khamis ou le Kassir. طيب خامس اكمل الجمله الاتيه بوضف المضارعين المناسبين في الفراغ donc complète les phrases suivantes en plaçant un verbe au présent dans les trous يذهب ابي الى السوق كل صباح نعم mon père va au souk tous les matins ثانيا alors متى يرجع ابوك من المصنع quand est-ce que ton père revient de l'usine نعم ثالثا يشرب احمد نعم أحمد بوا الكافي ويوسف بوا التي رابعا أخي يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة نعم donc mon frère lit les journaux et il écoute les informations depuis il écoute la radio tous les matins les informations de la radio tous les matins خامسا يكتب المدرس يكتب المدرس على صبورتي. donc l'enseignant écrit sur le tableau. سابعا أو سادسا. يغسل هشام وجهه بالصابون. نعم هشام lave son visage avec le savon. سابعا. يخرج المدير من المدرسة في الساعة الثانية. نعم donc l'enseignant sort de l'école à 8 heures. À 10 heures, enfin. Il y avait quoi d'autre ? Tassir. Non. Kowin Jumalen Moustamilen Kedemet il Atiya. Donc, compose des phrases en utilisant les mots suivants. Da'iman, qui veut dire tout le temps. Mohammedun Yadhibu ilan Masjidi Da'iman. Non, Mohammed va au Masjid tout le temps. Ahyanan. Al-Waladu Yal'abu Ahyanan fil Mal'abi. L'enfant joue de temps en temps dans, sur le terrain de jeu, dans le terrain de jeu. مؤخرا حامد يدخل البيت مؤخرا اليوم حامد يدخل البيت مؤخرا اليوم متأخرا متأخرا اليوم حامد est rentré en retard aujourd'hui à la maison مرة أخرى يوسف je veux dire encore une fois يوسف يرجع المدرسة مرة أخرى عيد يوسف يرجع المدرسة إلى إلى المدرسة نعم مرة أخرى نعم يوسف retourne à l'école une autre fois طيب سندخل في الدرس الحادي عشر le 11e cours et n'oublie pas quand on avait dit مثلا محمد يذهب إلى المسجد يذهب في المضارع إلى وصف فاعل وصف فاعل إلى أفعال محمد لا أنا سمعت أنا عارف وصف فاعل يذهب محمد إلى المسجد إلى وصف فاعل الفاعل هذا الفاعل يذهب نعنفه ها نعنفه نعيق من أبريز إلى مستطير مستطير تقديره هو نعم C'est la même chose que Mohamed Zahaba il nous dit. C'est la même chose. Tayyib. Filhafila, dans le car ou le bus. Anna Sakhouz, je vais prendre l'awel ou Anta Sakhouz el Thani. Tayyib. Anna Koul. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masmouka Yahi, comment t'appelles-tu mon frère? Ismi Abdullah. Wa ma ismouk? Il dit, je m'appelle Abdullah. Et quel est ton nom? Ismi Faisalun. Atalibun anta ya Abdullahi. Il dit, je m'appelle Faisal. Es-tu étudiant ou Abdullah? Naam. Abdullah dit oui. Faisal. Aina tadrusu ya akhi. Où étudies-tu ou mon frère? Adrusu bi jamiati Riyad. Naam. Il dit, adrusu. الحمد لله يهديكم في الحب لكم أعيد أخوان أدرس بجامعة الرياض نعم دونك يدي J'étudie à l'université de Riyad. Adrousso, c'est le moudaria de Darassa, c'est l'âgeux. Moi, je l'ai oublié de dire avant. C'est le moudaria de Darassa et Adrousso. Qui veut dire étudier. Non. Faisal Yakoul. Fi ayi kulliyatin tadrousso. Dans quelle faculté ou section étudies-tu? Adrousso fi kulliyati al-handasati. Non, mais j'étudie dans la section d'ingénierie. Handasa, c'est ingénierie. C'est de là qu'on prend le mot mouhandis d'ailleurs. Une handasa. Faisal Yakoul, fi ay sanatin tadrousou. En quelle sana, en quelle année à Fouen étudies-tu? Je pense que quel niveau il veut dire par là. Adrousou fi sanati thaniyati. Il dit j'étudie en deuxième année. Faisal Yakoul, et ta'alifu al-muhandisa Salmana. Connais-tu l'ingénieur Salman? Taba'an, huwa ustadi, huwa ahsanu mudarrisin fi al-kulliyati. Non, il dit bien sûr, taba'an ça veut dire bien sûr. C'est mon professeur. Il est le meilleur enseignant dans la faculté ou de la section. Faisal Yakoul. Man ha'oulaï fitiyatu al-lazina ma'ak. Ka'annahum ikhwatuk. Il dit, qui sont ces jeunes garçons qui sont avec toi? On dirait tes frères. Na'am ha'oulaï ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa thalathun akhawatin. Il dit, oui, ce sont mes frères. J'ai quatre frères et trois sœurs. Faisal Yakoul. Aina yadrus ha'oulaï. Où est-ce qu'ils étudient? Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbar minni yadrusu fi kulliyati at-tibbi. Tibbi. At-tibbi. Naam. Wa Ibrahim yadrusu fi kulliyati at-kulliyati at-tijara. Tijarati. وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما أخواتي فيدرسون في المدرسة فيدرسنا في المدرسة المتوسطة. Zainab tadrusu fi sanati al-ula wa Salma tadrusu fi sanati al-thaniya wa Layla tadrusu fi sanati al-thalathati. Thalitha. Tayeb, ça nous aide. Abdul Yakoul, amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Donc, amma là on traduirait par alors. Yani quand on dit amma, c'est pour commencer à faire détailler. Tayeb. Donc là, on dirait plutôt... Donc. Non. Donc, mes frères, tous, kulluhum, c'est tous, yadrusuna, ils étudient à l'université. Isa, ou Akbar Minni, qui est plus grand que moi, yadrusu fi kulliyati tib. Il étudie dans la section de la médecine. Tib, c'est la médecine. Mais là, on prend le tabib, d'ailleurs. Wa Ibrahim, yadrusu fi kulliyati tijara. Et Ibrahim, il étudie dans la section du commerce. وإسحاق يدرس في كلية الآداب. Et Ishaq étudie dans la section littéraire. وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. Et Ismaïl étudie dans la section ou la faculté des sciences. Je pense que c'est علوم شرعية. Allah أعلم. Ils n'ont pas précisé. وهؤلاء ثلاثة أصغر مني. Et ces trois-là, les trois derniers, c'est-à-dire Ibrahim, Ishaq et Ismaïl, sont plus jeunes que moi, plus petits que moi. وأما الأخوات. Et là, quand tu as commencé par Amma, quand tu viens là, le parti que tu veux détailler, tu dis Wa Amma. Sans tu dis Amma Ana Khalil. Moi, je suis Khalil. Amma Anta. Fama Anta. Anta Akhuna Fillah. Tu vois? Tu dis Wa Amma Anta. Quand tu veux faire ton détaillé. Donc là, il dit Et quant à mes sœurs maintenant, ou les sœurs plutôt, Am al-akhawat, et quant aux sœurs, fayadrusna fi al-madrasati al-mutawassita. Donc il faut que tu dises wa amma, et après tu commences par un fa. Tu mets un fa sur la phrase qui vient après. Fayadrusna, donc elles étudient dans l'école, al-mutawassita, c'est le collège ou le lycée, à chaque fois je me.

Sabian. Anis el fa'ila fi kul min jumel atiya. Donc féminise, rend féminin le sujet dans toutes les phrases qui suivent. Mathalan, il dit Aina yadrusu akhuka ya Ali. Où étudie ton frère Ali? Donc là, on regarde yadrusu, il est où le fa'il? Il est là. Aina yadrusu akhuk. Mais le fa'il? Enfin, le féminin c'est quoi? Aina tadrusu ukhtuka ya Ali. Vous voyez? Donc la deuxième phrase. Yashrabu abi el kahwata. Mon père boit le café. Tashrabu ummi el kahwata. Naam. Yal'abu at tiflu ma ukhtihi. L'enfant joue avec sa sœur. Tal'abu at tifla ma akhiha. Naam. طيب. Rabi'an. Yadhhabu at talibu ila al madrasa. L'étudiant ou l'élève va à l'école. تذهب الطالب إلى المدرسة. نعم. أين يجلس المدرس؟ Où s'assoit l'enseignant؟ أين تجلس المدرسة؟ المدرسة. نعم. طيب. Il dit تعمل ما يلي. Il veut te faire comprendre justement, attention, que le mudari, quand c'est أنت, par exemple avec le fil ذهب, ذهب مدرسة, tu veux dire أنت تذهب. Avec un T. Eh bien, c'est pareil. Hiya, tadhabu avec un T. Les deux, ils se ressemblent. Seulement, c'est quand tu lis la phrase que tu arrives à savoir si tu parles d'une femme ou si tu parles à un interlocuteur masculin. Yakul tasiyan, hawil al-fi'l fi kulli min jumal atiya ila al-mudari'. Donc, transforme le phrase, le fi'l, le verbe dans toutes les phrases au présent. Mathalan, ana zahabtu ila al-souqi. Donc, il dit. Moi, j'ai été au marché. Donc, comment ça va être? Ana, adzhabu les souk. Moi, je vais au marché. Donc, comme je te l'ai dit, quand c'est Ana, le fait mudari, on met quoi? On met un Hamza. Ana, adzhabu. Tayyib, tayyib. Thanian. Ghassala al-waladu, wajahu bisaboun. L'enfant a lavé son visage avec le savon. Donc, au présent. Ana, aghsi. Là, tu mets la même phrase, même sujet, juste tu mets au présent. Mudari. Ah. يغسلوا الولد وجهه بالصابون. نعم تمام. الأطفال لابسوا الوجه بالصابون. ثالثا الطلاب خرجوا من الفصل. Les étudiants sont sortis de la classe. الطلاب يخرجون من الفصل. نعم. Les étudiants sortent de la classe. رابعا بأي جامعة درست يا فيصل. À quelle université as-tu étudié au Faisal? بأي جامعة تدرس يا فيصل. نعم. Quelle université tu étudies au Faisal? Khamisan. At-talibatu dakhalna al-fasl. Les étudiantes sont rentrées dans la classe. At-talibat yadkhulna al-fasl. Naam. Sadisan. La'ibat Aminatu ma ukhtiha. Amina a joué avec sa sœur. Alors, tal'abu Aminatu ma ukhtiha. Naam. Sabian. كتب المدرس الدرس على سبورتي. Donc le professeur a écrit le cours sur le tableau. يكتب المدرس الدرس على سبورتي. نعم. L'enseignant écrit le cours sur le tableau. ثامنا سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. Donc les étudiants ont interrogé le professeur sur beaucoup de questions. On posait beaucoup de questions au professeur. نعم. يسألون الطلاب. Ah. يسألون. Là. Il n'y a pas de nun. Yes, hello. Ah, ouais. Il reste toujours, n'oublie pas la règle qu'on est pour au début. Si le fa'il il vient après, le verbe il reste au singulier. Tu veux dire yes, hello, at tulab. Non pas yes, hello, comme on ne dit pas zahabu at tulab. C'est la même chose, même au mudari. Yes, hello, at tulab, le mudarris, as-ilata, kathiratun. Naam. Tasian. Nazala rukabu min al-hafila. Donc les passagers sont descendus du bus. ينزلوا الركاب من الحافلة. نعم. الفصاجي يدخل من البيس. عاشرا. غسلت أمي الثياب. ما مير على فيلي فيتمون. تغسل أمي الثياب. نعم. ما مير على فيلي فيتمون. طيب. maintenant dans le dixième exercice, il veut mettre en attention la négation sur le verbe. On avait dit quoi? Que le verbe au passé, c'est le mot de lire, sa négation, on l'a fait avec quoi? Avec ma. Par exemple, tu vas dire ma zahabtu. Vous voyez, ma zahabtu. C'est tout. Le fi'l au madi, la négation, je ne fais qu'avec ma. Et le mot de lire, ça va être avec la. C'est ça que tu vas dire ma zahabtu, tu vas dire la azhabu. Et il y a juste que tu dises, Eidon, permis que tu dises ma azhabu. Vous voyez, lakin, le madi, il prend que ma. Et le mot d'aller, il prend les deux. Mais le plus fréquent, c'est qu'on mette la. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il va faire maintenant. Il dit, Ashiran, ta'ammel al-misalayn, thumma hawil al-af'al fil jumal al-atiya ila af'alin manfiya. Donc il dit, médite sur les deux exemples. Ensuite, transforme les verbes suivants, dans les phrases suivantes, en verbes avec une négation. Masalan, kataba Ahmadu ad-darsa. Donc Ahmed écrit le ders. Tu dis ma kataba Ahmed ou ders. Donc là on a fait une négation avec ma. Tu dis Ahmed n'a pas écrit le ders. Et au mudawali ça va être quoi? Yaktubu Ahmed ou ders. Ahmed écrit le cours. Donc la négation ça va être quoi? La yaktubu Ahmed ou ders. Donc Ahmed n'écrit pas le ders. Donc la première phrase ana ashrabu al shay. Donc il dit moi je bois le thé. Comment tu veux dire une négation? Ana la ashrabu al shay. Non, ana la ashrabu al shay. ثانيا لعبنا كرة القدم اليوم. Nous avons joué au foot aujourd'hui. Non. Ah, c'était bien parti. ما لعبنا. Non, فقط. Rajoute ما. ما لعبنا كرة القدم اليوم. نعم. ثالثا أبي يذهب للسوق كل يوم. Mon père va au marché tous les jours. أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم. نعم. رابعا أختي تدرس بالجامعة. ما سير تدي الجامعة. أختي لا تدرس بالجامعة. نعم. خامسا حفظتي سورة النبأ يا مريم. أتي ميموزي سورة النبأ أو مريم. أنا حفظتي سورة النبأ يا مريم. نعم. Donc comme on a dit, le passé mardi c'est avec ma et le mudawali c'est avec la. Et il y a juste de mettre main aussi. Maintenant il va t'apprendre quoi? Sache que le fil mudawali, on l'utilise pour le présent et on l'utilise également pour le futur. C'est la même formule. Juste pour le futur, comme on fait, on rajoute ça au début du fil. Tu prends le même fil qu'avant et avant de mettre quoi que ce soit, tu commences, tu mets ça. Et tu mets aussi ça au fait. Ça, c'est pour un futur qui est proche. Et ça au fait, c'est pour un futur qui est plus lointain. Mathalène, tu dis Azhabu il est sourki. Je vais au marché. Au futur, ça veut dire quoi? Ça, Azhabu il est sourki. Vous voyez? Ça, c'est je vais aller au marché. Et tu peux dire ça au fait, Azhabu il est sourki. C'est je vais aller plus tard, tu vois, bien plus tard, au marché. Donc il dit, Hadi Achar, ta'amel amsila, summa ajiban asilatil atiya mustamilan, harf al-istikbal. Donc le signe s'appelle harf al-istikbal. La lettre du futur, pour le futur. Mathalan, il est parmi l'amsila, sayarji'u al-mudiru ghadan. Donc le directeur va revenir demain. Ghadan, c'est demain. Vous voyez, on dit ghadan, c'est demain. Et donc on a ghadan, il a mis quoi? Il a mis ça devant. Sayarji'u. Il n'y a rien de compliqué, juste ça, c'est tout. Contrairement à nous, au verbe en France, c'est le futur, il y en a je ne sais pas combien, le passé, il y en a je ne sais pas combien, le présent, je ne sais pas combien, et là, en arabe, alhamdoulilah, c'est plus facile. Ben, deuxième exemple, il dit, « Sa adzhabu il mekkata ba'd uzbu'in, incha'Allah. » Donc, il dit, « Je vais aller à Mekka dans une semaine, incha'Allah. » Donc, il dit quoi? « Sa adzhabu, je vais aller. » Jim, troisième exemple, « Adzhabu il mal'abi kulla masa. » Sa adzhabu ad al-masa'a il al-maktaba. Donc il dit, je vais au terrain de jeu tous les après-midi. Et après il dit quoi? Je vais aller cet après-midi à la bibliothèque ou à la librairie. Maktaba, c'est peut-être bibliothèque ou librairie. Saïd, bien sûr. Non. Et lui, c'est Ashtahid, voilà. Je dis, je ne veux pas être un arabe, je vais être un mouchtahid. Coup de l'arabe, non.

Unwanun, jam, anawin. Ça, c'est adresse. Taïeb, unwanun, c'est une adresse. Ou anawin, c'est les adresses. Pluriel. Thawbun, jam, siyab. Ça, c'est vêtements. Les habits. Mustawsaf, ça, c'est un dispensaire, infirmerie. Petit hôpital. Qadim, c'est une chose qui arrive. Al-Ouzbou al-Qadim, c'est la semaine qui arrive. Taïeb, Qadim, c'est une chose qui arrive. Prochain âme. Ben voilà, tu vois, je dis des voix graves, des mots simples comme ça, semaine prochaine, on oublie, on va dire la semaine qui arrive. Tu dis semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le prochain. Shakara yashkuru, remercier. Taïeb, Shakara yashkuru, remercier. Saïda yas'adu, c'est monter. Nasitu, ça vient du verbe nasiya, qui veut dire oublier. Et nasitu, c'est j'ai oublié, moi. Et à la base, le verbe, c'est nasiya. Attention, beaucoup de gens, tu entends, des gens, ils vont dire nasa. Non, c'est nasiya. À la was fa'ila. Taïeb, à la was fa'ila. Pourquoi ils n'ont pas mis la troisième personne comme derrière? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Pourquoi tu le sais maintenant? Bitaqa, jam bata'iq. Oh, ils ont mis bitaqat, ils ont aussi bata'iq. Mais ils ont mis jam mu'anafalin. Bitaqat, c'est une carte. Taïeb, c'est une carte. Risala, jam rasa'il. Lettre. Taïeb, une lettre. Seydaliya, pharmacie. Wakhayrun, jam khuyul, c'est les chevaux de cavalerie, les chevaux de charge, les chevaux de guerre. Mahmada. Alhamdulillah. Taïeb. Kana tawilan, lakin mufidan. Alhamdulillah, rabbil alamin.